c'est V ou F? 1. 9. 9. 2. Vers. Faire. 3. Fond. Fond. 4. Veux. Veux. 5. Vous. Fou. 6. Fin. Vin.